Cela fait un an que Maxime attendait ça avec sa petite sœur Lola, son papa et sa maman. Ils sont allés tous les quatre au salon de l'agriculture. Quelle joie pour la petite famille de retrouver vaches, cochons, poulets, chevaux, moutons et de caresser ces gentils animaux, de leur faire des papouilles et même des selfies. Après les animaux, la petite famille a pu s'amuser sur le stand de Monsanto et envoyer plein de gentils pesticides sur les vilaines mauvaises herbes qui tuent les gentils grains de maïs qui engraissent les jolies vaches qui donnent du bon lait rempli de bons antibiotiques pour nos défenses naturelles. Vient à présent le hall des régions où la petite famille a pu déguster d'excellentes côtelettes d'agneau entourées de ruminants bêlant à plein poumon. Mais le salon de l'agriculture, c'est aussi de la culture. Allons gentiment découvrir l'exposition sur les beaux élevages du 21e siècle. Rendez-vous compte, une trentaine de fermes sont en train de se transformer en véritable usine à jambon, à lait, à nuggets ou à légumes. C'est super! On va être aussi fort que les Américains! Après l'expo, le matériel. Maxime était dans tous ses états. Oh, les gros tracteurs qui vont dans les petits champs! Oh, les beaux cractopelles qui défoncent tous les talus pour faire des champs plus grands. Oh, les beaux épandeurs qui envoient tout le caca des cochons pendant la saison des pluies. Décidément, une journée au salon de l'agriculture, c'est fatigant. Alors, pour se remettre de ses émotions, rien de mieux qu'un bon McDo.